À l'occasion de la journée de la lutte contre l'impérialisme américain 25 juin, les jeunes étudiants de la ville de Pyongyang se sont réunis le 24 courant dans le théâtre en plein air du parc de la jeunesse pour jurer la vengeance. Les orateurs ont dit notamment « Les impérialistes américains qui avaient attaqué et pillé notre pays depuis 100 et des dizaines d'années ont provoqué la guerre contre notre jeune république dans les années 1950, réduit en cendres tout le territoire coréen et perpétré jusque les guerres bactériologiques et chimiques pour ainsi tuer de façon barbare plusieurs millions de Coréens. » Plus de 60 ans ont passé depuis le cessez-le-feu et les générations changent, mais l'ambition agressive américaine reste inchangée. Les impérialistes américains et leurs laquais ont beau se démener contre notre pays. Ils seront voués à la défaite et à la mort misérable tant qu'il y a les puissantes forces armées révolutionnaires Pectosan invincibles et le peuple et les jeunes avant-gardistes en premier lieu fermement armés de l'esprit de la défense à outrance de la direction de la révolution.